Le lendemain, dès la première heure, l'intrépide Tartarin et le non moins intrépide prince Grégory, suivis d'une demi-douzaine de portefaix nègres, sortaient de Miliana et descendaient vers la plaine du Chélif. Mais à la fin du jour, les porteurs nègres étant tombés malades, Tartarin et le prince arrivent à trouver et acheter un vieux chameau dans un marché arabe. C'était le vrai chameau du désert, le chameau classique, chauve, l'air triste, avec sa longue tête de bédouin et sa bosse qui, devenue flasque, parsue de trop longs jeûnes, pendait mélancoliquement sur le côté. Tartarin le trouva si beau qu'il voulut que la caravane entière montât dessus. Toujours la folie orientale. La bête s'accroupit, on sangla les mâles. Si pittoresque que fut leur nouvelle monture, nos tueurs de lions durent y renoncer. On continua donc la route à pied. L'expédition dura près d'un mois. Pendant un mois, cherchant des lions introuvables, le terrible Tartarin erra de douar en douar dans l'immense plaine du Chélif, à travers cette formidable et cocasse Algérie française, où les parfums du vieil Orient se compliquent d'une forte odeur d'absinthe et de caserne. Puis, tout autour, des plaines en friche, de l'herbe brûlée, des buissons chauves, des maquis de cactus et de lentisques, le grenier de la France. Grenier vide de grains, hélas, et riche seulement en chacals et en punaises. Et toujours pas de lion, pas plus de lion que sur le Pont-Neuf. Cependant, le Tarasconnais ne se décourageait pas. Un soir pourtant, vers les 6 heures, comme la caravane traversait un bois de lentisques tout violet, où de grosses cailles alourdies par la chaleur sautaient çà et là dans l'herbe, Tartarin Tarascon crut entendre, mais si loin, si vague, mais si émietté par la brise, ce merveilleux rugissement qu'il avait entendu tant de fois là-bas, à Tarascon, derrière la baraque mitaine. D'abord, le héros croyait rêver. Mais au bout d'un instant, lointain toujours, quoique plus distinct, les rugissements recommencèrent. Plus de doute, c'était le lion. Vite, vite, à l'affût. Pas une minute à perdre. Il avait tout juste près de là un vieux marabout, tombeau de saint musulman, à coupole blanche. Tartarin Tarascon y remisa son prince et son chameau et se mit en quête d'un affût. Le prince Grégory voulut le suivre, mais le Tarasconnais s'y refusa. Il tenait à affronter le lion, seul à seul. Toutefois, il recommanda à son Altesse de ne pas s'éloigner et, par mesure de précaution, il lui confia son portefeuille, un gros portefeuille plein de papiers précieux et de billets de banque qu'il craignait de faire écornifler par la griffe du lion. Cela fait, le héros chercha son poste. 100 pas en avant du marabout, un petit bois de laurier rose tremblait dans la gaille du crépuscule au bord d'une rivière presque à sec. C'est là que Tartarin vint s'embusquer, le genou en terre, selon la formule, la carabine au poing et son grand couteau de chasse planté fièrement devant lui dans le sable de la berge. La nuit arriva. Le rose de la nature passa au violet, puis au bleu sombre. En bas, dans les cailloux de la rivière, luisait comme un miroir à main une petite flaque d'eau claire. C'était l'abreuvoir des fauves. Sur la pente de l'autre berge, on voyait vaguement le sentier blanc que leurs grosses pattes avaient tracé dans le lentisque. Cette pente mystérieuse donnait le frisson. Vous avouerez qu'il y avait de quoi être ému. Tartarin l'était. Il était même beaucoup. Les dents lui claquaient, le pauvre homme, et sur la garde de son couteau de chasse planté en terre, le canon de son fusil rayé sonnait comme une paire de castagnettes. Eh bien oui, Tartarin eut peur, et tout le temps encore. Néanmoins, il tint bon 1 heure, 2 heures, mais l'héroïsme a ses limites. Près de lui, dans le lit desséché de la rivière, le Tarasconnais entend tout à coup un bruit de pas, des cailloux qui roulent. Cette fois, la terreur l'enlève de terre. Il tire ses 2 coups au hasard dans la nuit, et se replie à toutes jambes sur le marabout, laissant son coutelas debout dans le sable comme une croix commémorative de la plus formidable panique qui ait jamais assailli l'âme d'un dompteur d'hydre. « À moi, prince ! Le lion !» Un silence. « Prince ! Prince ! Êtes-vous là ?» Le prince n'était pas là. Sur le mur blanc du marabout, le bon chameau projetait seul au clair de lune l'ombre bizarre de sa bosse. Le prince Grégory venait de filer en emportant portefeuille et billets de banque. Il y avait 1 mois que son Altesse attendait cette occasion.